France Inter, franceinter.com. C'était il y a seulement 20 ans. Et si vous les avez vus à la télévision, vous n'avez pu oublier ces images d'un procès surréaliste. Un couple de vieillards comparaissant devant des magistrats quasi invisibles. Une petite heure de débat au cours de laquelle les accusés se défendent bec et ongles. Et la sentence qui tombe, la mort. Et puis, aussitôt après les dernières images, deux corps gisant près d'un mur. Justice avait été faite, si l'on peut dire, les époux Ceausescu avaient payé. C'était donc il y a 20 ans, alors qu'un peu partout dans le monde, on ne pensait qu'à célébrer les fêtes de fin d'année. L'épilogue provisoire d'une étrange révolution roumaine qui, en dépit de la satisfaction de voir la chute d'une dictature ubuesque, laissait un mauvais goût dans la bouche, comme si, dès la diffusion de ces images d'un procès expéditif filmé à la sauvette, on sentait le trucage et même l'arnaque. Et que penser aussi de ce flot de fausses nouvelles qui avait précédé cette double exécution, ces dizaines de milliers de morts qui n'avaient existé que dans l'imagination des journalistes, ou plutôt dans les officines de très habiles manipulateurs. Monsieur X, très tôt, avait déjà suspecté la supercherie alors que la plupart des observateurs, des commentateurs et des diplomates s'accrochaient encore à la thèse d'une révolution spontanée du peuple roumain. À l'occasion du 20e anniversaire et à la lumière des dernières informations parvenues à sa connaissance, il revient sur les événements de cette fin de l'année 1989. Je vais vous dire franchement, à l'échelle d'un pays, je crois qu'on a rarement assisté à une manipulation d'une telle ampleur. Et là, bien sûr, je ne veux pas parler seulement de ce misérable procès dont on a tous vu les images à la télévision. Le procès des Ceausescu. Oui, si on peut parler de procès. Mais j'y reviendrai. Non, c'est de l'ensemble de l'opération que je veux parler. Un coup préparé de longue date et qui a été exécuté avec une maestria remarquable. Vous êtes admiratif, là, non ? Non, je n'ai pas dit cela. car je ne pense pas que la fin justifie tous les moyens, mais il faut reconnaître que les metteurs en scène ont conduit cette affaire très habilement. Parce qu'ils tenaient d'abord, pardonnez-moi l'expression, à sauver leur peau, quitte à user des mensonges les plus éhontés et à sacrifier au passage quelques centaines de personnes. Mais n'allons pas trop vite. Ça, j'ai l'habitude. Hein. Auparavant, et cela vous permettra de bien comprendre, je voudrais évoquer l'histoire tragique de la Roumanie. Rassurez-vous, je ne vais pas remonter trop loin. Mais dans une certaine mesure, l'impitoyable dictature de Ceausescu puise aussi ses sources dans le climat de violence qu'a connu le pays depuis le tout début des années 40. Et je ne suis pas le seul à le penser. En préparant cet entretien, je suis tombé sur une déclaration d'un intellectuel roumain, Octavian Paler. Et que dit-il Bon, à peu près ceci. Nous avons commis l'erreur de croire que le mal était réduit à Ceausescu et à ses acolytes. Ceausescu est tombé, mais la dictature est restée en nous. Ah oui. Et d'après vous, alors le mal, hein, pour reprendre les termes de cet intellectuel, est ancien. Oui. Alors voyons cela à grands traits. En septembre 1940, alors que les armées du Troisième Reich progressent un peu partout en Europe, un militaire, le maréchal Antonescu, s'empare du pouvoir. Et il s'appuie sur une structure fasciste, la garde de fer du mouvement légionnaire, une organisation très populaire en Roumanie qui est soutenue par quelques grands intellectuels dont Mircea Eliade et Émile Cioran. Ah oui, deux écrivains qui plus tard s'exileront en France et auront beaucoup de succès. Hein. C'est exact. Et il ne s'agit pas là de la partie la plus glorieuse de leur itinéraire. Enfin, passons. Dès son arrivée au pouvoir, Antonescu entame une féroce répression contre les juifs roumains. Au total, pendant la Seconde Guerre mondiale, 350 000 d'entre eux, sur 700 000, vont être exterminés. Mmh. Antonescu a donc précédé, en somme, les désirs de Hitler. Il a laissé libre cours aux instincts d'une population qui était, il faut le dire, très antisémite. Autre caractéristique du personnage, quand il l'a jugé nécessaire, il a aussi férocement liquidé les légionnaires de la garde de fer. Au moment même où, d'ailleurs, un terrible pogrom se déroulait à Bucarest. Ensuite, après une brève parenthèse monarchiste, la Roumanie tombe dans les griffes de Staline. Mmh, nouvelle dictature. Et les dirigeants communistes roumains, étroitement cornaqués par leurs camarades soviétiques, gouvernent le pays d'une main de fer. Un seul chiffre. Sous le règne du numéro 1 du Parti communiste roumain, Georgiu Dej, on estime qu'un million de citoyens seront détenus dans les geôles du régime. Allez, mais sur combien d'habitants, là ? 16 millions. Ah, c'est en effet considérable, hein ? Et on ne comptera plus les intellectuels et étudiants qui vont être envoyés dans les goulags à la Roumaine ou sur le chantier géant du canal Danube-Mer Noire, où beaucoup trouveront la mort. Il faut dire aussi, et ici je n'ouvre pas une simple parenthèse, que les communistes roumains ont été des pionniers en matière de torture. Ah, c'est-à-dire, là ? Dans la prison de Pitești, au nord de Bucarest, on a expérimenté un nouveau système. Les détenus, dont beaucoup d'étudiants, ont imaginé une méthode de rééducation originale visant à transformer les victimes en tortionnaires. Les détenus torturant d'autres détenus, c'est cela. Ouais. Physiquement et psychologiquement. Le résultat aboutissant à un véritable lavage de cerveau où les sujets torturés finissaient par avouer tout ce qu'on voulait. Je dois ajouter que ce système pervers a été inventé, si je puis dire, par un détenu qui était un ancien légionnaire de la garde de fer, un certain Turcanu, qui a lui-même battu à mort ou exécuté plusieurs de ses compagnons de détention. Alors ce type s'est donc mis au service des communistes, ses meilleurs ennemis. Exactement. Mmh. Et ses méthodes ont donné tellement de bons résultats, selon ses maîtres, bien sûr, qu'il est rapidement devenu un personnage important du régime et qu'on lui a laissé carte blanche. Mais heureusement, en 1952, une fuite a eu lieu. Un éminent médecin détenu à Pitești a réussi à transmettre des informations en Occident. Et pour les dirigeants roumains, ça tombait très mal. Mais pourquoi ? Bucarest voulait alors demander son adhésion à l'ONU. Le régime devait donc prouver qu'il respectait les droits de l'homme. Mmh, oui. Conséquence ? Ce Turcanu et ses sbires, accusés de complot fasciste contre l'État, ont été aussitôt arrêtés, jugés sommairement, condamnés à mort et exécutés. Mais il reste que le système Pitești, comme on l'a appelé, a soulevé beaucoup d'intérêt. Dans d'autres dictatures Il est sûr que certaines de ces méthodes d'interrogatoire ont été reprises. Et pas seulement dans les pays totalitaires. L'école française de la torture issue de la guerre d'Algérie s'est certainement inspirée de l'expérience roumaine. Sarès et les autres Autant de types qui ont contribué à former bon nombre de tortionnaires, en particulier en Amérique du Sud. Et on pourra aussi s'interroger sur quelques méthodes préconisées par les manuels d'interrogatoire de la CIA. Mais des universitaires et des psychopathologues ont également étudié les méthodes mises au point par le sinistre Turcanou. Toutefois, restons-en là. Ce qui est notable, c'est que ces exactions ont été approuvées et même soutenues par une nouvelle entité créée aussitôt après la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, je vois ce dont vous voulez parler, la trop célèbre Securitat. Oui, un service qui était tout autant une police politique qu'un service de renseignement intérieur et extérieur. La Securitat, c'est important pour la suite de ce récit, a été d'emblée édifiée sur le modèle soviétique et avec la collaboration d'agents de Moscou. KGB et GRU, enfin GRU, là, le service de renseignement de l'armée rouge. Mais vous pensez bien que ces liens originaux ne se sont jamais vraiment distendus. Alors vous voulez dire que certains agents de la Securitat étaient en même temps des hommes de Moscou? C'est certain. Des agents doubles en somme. Et qui obéissaient d'abord au service soviétique avant d'appliquer les ordres du gouvernement roumain. Mais on y reviendra, ça. Alors la suite, après le sinistre épisode de Pitești, on aurait pu croire que la répression contre les opposants de tout poil aurait marqué une pause. Eh bien, pas du tout. Que se passe-t-il alors? Le régime de Georgiou ne va cesser de se durcir. Première victime, les Juifs. Ah, une nouvelle fois. Et la purge concerne même les nombreux Juifs roumains qui sont d'ardents militants communistes et qui avaient naïvement pensé que l'armée rouge les débarrasserait une fois pour toutes de leurs oppresseurs fascistes. Et c'est pourquoi Staline leur était apparu comme un sauveur. C'est ainsi qu'une éminente dirigeante du Parti communiste roumain, Anna Pocher, va être écartée, parce qu'elle est juive. Ouais, la Staline roumaine, comme on l'a appelée, je crois. Et qui s'était montrée impitoyable pendant les premières années du régime communiste. Elle avait en particulier approuvé l'action de la Securitat et donc le système Pitești. Mais au-delà de ces persécutions antisémites, ce qu'il faut retenir des années d'Ege, c'est la terreur. Et paradoxalement, quand le dictateur communiste meurt en 1965 et que Nicolae Ceaușescu lui succède, les Roumains poussent un ouf de soulagement. Et pourtant, Ceaușescu est lui-même un apparatchik communiste. Hein. Oui, mais on se met à espérer. Et c'est vrai que le nouveau maître du pays montre d'emblée qu'il veut rompre avec le système d'oppression de son prédécesseur. Rendez-vous avec X. Revenons un instant sur le système Pitești, comme l'a appelé M. X. Mireille Brahn, journaliste et correspondant entre autres du Monde et du Point à Bucarest, vient de revisiter l'histoire de son pays dans un joli petit livre paru aux éditions du Cygne. Il consacre un chapitre au tortionnaire Turcanou et aux méthodes qu'il employait souvent à l'encontre de ses anciens amis étudiants qui avaient frayé avec une organisation fasciste la Légion de l'Archange Saint-Michel. Citation. Les séances de coups de matraque étaient quotidiennes. Les rééduqués, c'est-à-dire ceux qui rejoignaient le camp de Turcanou, devenaient à leur tour des tortionnaires. C'était la seule porte de sortie. Le premier pas était le plus dur. Une fois franchi la barrière qui séparait la victime du bourreau, ils devenaient encore plus violents que leur mentor. La culpabilité était un formidable levier de la violence qui, le plus souvent, opposait d'anciens amis. Peu de détenus résistèrent, préférant se faire tuer que de torturer à leur tour. Turcanou était content. Son plan fonctionnait à merveille. Les bandits étaient débarrassés de leurs idées et les informations qu'ils leur arrachaient étaient appréciées à Bucarest. La direction de la Securitat était satisfaite. Les arrestations se multipliaient. Les ennemis du peuple s'entassaient dans les prisons où ils confessaient leurs pensées réactionnaires. Turcanou exultait. L'ouvrage de Mireille Brahn est intitulé « La Roumanie, 20 ans après, le chasseur de la Securitat ». « Avant de parler du règne de Nicolas Ceausescu, un mot sur l'homme, d'où vient-il ? Cet ancien cordonnier a adhéré très jeune au Parti communiste. Et ça lui a valu, avant la Seconde Guerre mondiale, d'être incarcéré au moins à deux reprises. Et quelle place occupe-t-il dans l'appareil ? Il grimpe très vite les échelons. Et à la faveur de la prise du pouvoir par le parti en 1947... Grâce à Staline. Évidemment. Donc Ceausescu, dans la toute nouvelle démocratie populaire, va prendre du galon. Il sera même plusieurs fois ministre avant de succéder à la tête du parti au numéro un roumain, Georges Udej. Et selon vous, qu'est-ce qui explique qu'on l'ait choisi, lui ? Eh bien, les hommes forts du régime, ceux qui occupaient les meilleures places sur Georges Udej, pensaient que Ceausescu était un faible, un type qui n'avait pas de véritable envergure politique. Ouais, donc quelqu'un qu'on pourrait manipuler. Et dont on pourrait aisément se débarrasser au cas où il deviendrait gênant. Mmh. Mais m'avez-vous dit... Quand il devient le numéro un, les Roumains se prennent à espérer. En effet, car tout de suite, Nicolae Ceausescu se révèle être un modéré. C'est-à-dire Il fait libérer, par exemple, les prisonniers politiques roumains. Et il conduit une politique économique efficace, puisque son pays a alors le plus fort taux de croissance en Europe. Ah oui, quand même. Ouais, et parallèlement, cet homme sans envergure, comme le pensaient ses camarades, tisse patiemment sa toile. Il élimine peu à peu ses rivaux potentiels et, surtout, il s'assure progressivement du contrôle de la Securitate. En même temps, et c'est très habile, il semble prendre ses distances avec le bloc soviétique. En particulier au moment de la répression du printemps de Prague. Hein. Oui, non seulement il refuse... En 68. Hein. Oui, il refuse d'envoyer des chars en Tchécoslovaquie, aux côtés des autres contingents des forces du pacte de Varsovie, mais il condamne l'invasion soviétique. Ouais, quand même. C'est à partir de ce moment qu'on commence à parler de lui comme d'un De Gaulle de l'Est. Mmh. Là, je me souviens en effet que beaucoup de dirigeants du camp occidental le considèrent alors très favorablement. C'est vrai. Mmh. Nixon, De Gaulle entretiennent de très bons rapports avec lui. Oui, parce qu'il est indépendant de Moscou. Bien sûr, même si à mon avis cette indépendance est très relative et peut-être même mensongère. Ceausescu n'est quand même pas un nouveau Tito. Mais c'est vrai, en Occident, il était très bien vu. Quand il vient en France, on lui remet la Grand Croix de la Légion d'honneur. Oui, pas moins. Et dans certains magazines de droite, on lui tresse des lauriers. Ouais, pourtant, vous avez dit, à l'instant, que son indépendance vis-à-vis de Moscou était toute relative, et même bâtie sur un mensonge. En effet, car la Roumanie de Ceausescu, malgré l'épisode de Prague, n'a jamais manifesté son intention de quitter le pacte de Varsovie, ou le Comecon, le traité économique qui liait entre eux tous les satellites de Moscou. Pourtant, il va y avoir aussi son flirt avec Pékin, un flirt qui est une sorte de provocation pour les RSS qui avaient déjà divorcé d'avec la Chine maoïste. C'est vrai. Au début des années 70, le dirigeant roumain se rend en voyage officiel en Chine populaire. Et il est séduit. C'est la révolution culturelle. Oui, hein. Oui, et ça va avoir pour la Roumanie des conséquences très importantes. Et disons-le franchement, catastrophiques. Oui, parce que Ceausescu va adapter à son pays quelques recettes maoïstes. Bon, n'exagérons quand même pas, mais il est vrai que certaines de ses initiatives les plus désastreuses, comme la destruction du vieux Bucarest ou encore celle de nombreux villages, ont dû être inspirées par son voyage en Chine. Ceausescu, à l'image de Mao, voulait créer un nouvel homme. Ni rural, ni urbain. Un homme vivant dans des demeures collectives, tout entier attaché au service de l'État et n'existant que par celui-ci. Ouais. 1984, on sait. Eh oui, on n'est pas très loin d'Orwell. Surtout quand on songe que Ceausescu avait mis en place un formidable système de surveillance des citoyens. Mais toujours grâce à la Securitate, là. C'est ça. Mais c'était beaucoup plus insidieux que la pratique qui existait sous George Udej. C'est-à-dire, expliquez là. La terreur des années staliniennes a été remplacée par un contrôle permanent de tous les citoyens. Ça rappelle la Stasi est-allemande. Ah oui, on n'en est pas loin. Oui, la Securitate disposait d'une nuée de mouchards dans toutes les strates de la société. Rendez-vous compte, près d'un Roumain sur 15 travaillait pour la Securitate ou la renseignait. Une véritable toile d'araignée qui a permis à Ceausescu de diriger la Roumanie d'une poigne de fer. Aucune opposition possible donc. Aucune, non. La presse était étroitement contrôlée et à l'intérieur même du parti, Ceausescu, grâce à une série de purges, régnait désormais en maître absolu. Naturellement, ce régime dictatorial en était venu à développer un incroyable culte de la personnalité. Ceausescu se faisait appeler le conducteur. Oui, le conducteur. Un titre que d'autres dictateurs roumains d'extrême droite, comme le maréchal Antonescu, avaient utilisé avant-guerre. Mais dans la presse ou dans les publications du parti, ses fidèles l'appelaient aussi communément le Danube de la pensée, ou encore le génie des Carpates. Oui, même Staline n'avait pas osé. Hein. Ce pouvoir sans partage s'accompagnait bien sûr d'un népotisme éhonté. Ce Kondokhator avait casé la plupart des membres de sa famille, à commencer par son épouse, Elena, dont il avait fait son vice-premier ministre. C'était donc le couple qui dirigeait le pays. Oui, Elena était très ambitieuse et très autoritaire. D'une façon assez ridicule, elle s'était autoproclamée académicienne et s'était décerné un titre de docteur en chimie, ce qui lui permettait de signer des livres scientifiques écrits par les autres. Mais tout ça, bon, est caricatural, mais... Mais j'imagine que les Roumains n'étaient pas dupes. C'est certain. Même si Ceausescu a longtemps été populaire, en particulier à cause de sa politique d'indépendance vis-à-vis de Moscou. Mais au fil des années, la situation s'est dégradée. Et la vie quotidienne des Roumains est devenue de plus en plus difficile. Et pour quelle raison exactement, alors ? La collectivisation à outrance, d'abord. Une catastrophe pour l'agriculture. Et puis Ceausescu, toujours dans un souci d'indépendance, s'est mis en devoir de rembourser à tout prix la dette extérieure considérable de la Roumanie. Cette recherche forcenée des devises étrangères s'est traduite par un appauvrissement du pays et des restrictions de toutes sortes pour la population. Imaginez que le pouvoir avait décidé, de façon autoritaire, que la température dans les appartements ne devait pas dépasser 14 degrés. Et puis dans un pays où les hivers sont rigoureux. Hein, oui. Mais la population subissait sans protester. Oh, pas facile et très risqué de protester sous un régime policier et dans un pays où la délation est généralisée. Et les rares dissidents, souvent des intellectuels, doivent choisir entre l'exil ou la prison. Comme l'écrivain Paul Goma, qui a même failli y laisser la vie. Ah bon, racontez, hein. Goma, à l'image de ce qu'avait fait Václav Havel à Prague avec la charte 77, a voulu lui aussi lancer une pétition, demandant la libéralisation du régime. Mais la peur inspirée par la Seguridad était telle que presque personne n'a signé. Menacé, Goma a dû s'exiler à Paris. Mais Ceausescu ne l'en a pas tenu quitte pour autant. Et comme il entretenait d'excellents rapports avec un certain nombre d'activistes arabes, il a demandé au groupe Carlos de liquider Goma. Mais heureusement, le chacal, qui avait par ailleurs fort affaire, n'a pas mené cette mission à terme. Oui, enfin, bon, je résume donc, aucune opposition possible. Hein. Seuls les mineurs, qui sont traditionnellement très puissants en Roumanie, ont osé faire grève à la fin des années 70. Et pourtant... Au fil des années, la situation des Roumains devient de plus en plus précaire. Dans les années 80, Ceausescu a même mis en place un programme d'alimentation pour ses concitoyens. Ouais, un programme de restriction, vous voulez dire ? Oui, mais un programme prétendument scientifique qui vise surtout à masquer la pénurie alimentaire. Et pendant ce temps-là, Nicolae et Elena vivent la grande vie dans les dizaines de propriétés qu'ils possèdent un peu partout dans le pays. Mais en 87... Plusieurs faits démontrent que quelque chose est en train de changer. Thank you. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. En 2002, le journal Le Monde a publié un portrait de la célèbre dissidente roumaine Doina Cornea, qui a joué un rôle notable dans les premiers moments de la Révolution. Elle revient sur ses années de plomb, extrait de l'article signé par Mireille Brann. Aujourd'hui, 12 ans après la chute de la dictature, Doina Cornea parle de tout sauf de vengeance et de rancune. « Je suis contente d'avoir retrouvé ma sérénité », avoue-t-elle. « Le passé n'a pas gâché mes amitiés. Je revois les amis qui savent que je sais. On n'en parle jamais. Mais chacun devrait aller voir son dossier pour mieux se connaître, car on ne peut pas avancer vers l'avenir en se cachant derrière ses mensonges. » La vérité, cependant, ne va pas sans douleur. La Securitate n'aurait jamais réussi son projet totalitaire sans la complicité de nombreux Roumains. Officiellement, l'appareil répressif de la police politique comptait un peu plus de 20 000 officiers qui n'auraient jamais pu surveiller plusieurs millions de personnes. La force de la Securitate s'explique donc par la complicité d'environ 600 000 informateurs recrutés dans la société civile. Selon une étude de l'Association des détenus politiques de Roumanie, 39% de ces informateurs avaient fait des études supérieures et 37% des études secondaires. Plus troublant encore, seulement 1,5% étaient rémunérés pour leurs services, 1,5% avaient cédé au chantage et 97% étaient poussés par des sentiments patriotiques et politique. Quels sont ces faits alors qui montrent que la dictature de Ceausescu est peut-être menacée? Il y a d'abord un voyage de Gorbatchev en Roumanie en 1987. 87, c'est déjà le temps de la perestroïka en URSS. Hein. Exact. Et Ceausescu et Gorbatchev se regardent en chien de faïence. Surtout lorsque le numéro 1 soviétique plaide ouvertement pour une libéralisation du système roumain. Le Kondokator n'est pas du tout prêt à appliquer la perestroïka chez lui. Et il le fait savoir fermement à Gorbi. Et pourtant, c'est quand même pas la rupture. Non, non. Ceausescu, même s'il le regrette, ne peut pas se passer de l'URSS, dont l'économie roumaine dépend étroitement. Perestroïka ou pas, Moscou demeure l'indispensable grand frère. Autre fait inquiétant pour Ceausescu? À la fin de cette même année, 87, en novembre, si mes souvenirs sont bons, on assiste à une véritable révolte à Brasov, une grosse ville industrielle au nord de Bucarest. Une révolte dirigée contre Ceausescu? Oui, puisque des portraits du dictateur sont brûlés par les émeutiers. La raison essentielle, c'est que le gouvernement vient d'annoncer un nouveau tour de vis, restriction sur le charbon et les salaires. Aussitôt les ouvriers, mais aussi certains cadres, descendent dans la rue et pillent quelques édifices publics. Au moins 2 policiers sont tués. Et comment réagit alors le Ceausescu? Le conducteur envoie l'armée et il y aura des morts. Les émeutiers sont donc matés. Mais cette victoire en force va laisser de profondes cicatrices. Pour la première fois, des citoyens roumains ont osé massivement affronter dans la rue le régime et son chef. On s'en souviendra. C'est en fait la vraie rupture entre la dictature communiste et la classe ouvrière. Et pour Ceausescu, là, c'est donc une sorte de victoire à la Pyrrhus. Hein. C'est ça, oui. Mais je voudrais vous parler du troisième fait. Il est très curieux. Toujours en 87? Oui, toujours, oui. Un certain Silviu Brucan, à la suite des émeutes de Brasov, transmet un texte très critique vis-à-vis de Ceausescu à une agence américaine. Mmh. Oui, mais qui est ce Brucan? C'est un personnage qui compte. Il a été rédacteur en chef du journal du Parti à la Libération. Puis il a occupé diverses hautes fonctions avant d'être nommé ambassadeur à Washington. C'est donc un vétéran du Parti communiste. Tout à fait. Et comment réagit Ceausescu à la publication de ce texte critique? Modérément, très modérément. Brucan est simplement placé en résidence surveillée. Ouais, c'est en effet pas très méchant, mais... Et alors, c'est ça qui vous semble curieux? Oui. N'importe quel autre opposant qui aurait osé critiquer Ceausescu, et qui plus est dans un organe de presse occidental, aurait été immédiatement arrêté. Ça veut dire que Brucan, homme prudent et avisé, a donc pris un risque très calculé. Et il a une bonne raison de le croire. Et pourquoi? Parce qu'il dispose d'un puissant talisman. Un talisman, qu'est-ce que vous voulez dire? Chaque semaine, Brucan reçoit la visite du correspondant permanent de l'agence TASS à Bucarest. Mais que signifie cette visite hebdomadaire du correspondant de TASS à Silvio Brocane? Et pourquoi avez-vous parlé de talisman là? Les journalistes de TASS en poste à l'étranger, vous le savez bien, n'étaient pas tout à fait des journalistes comme les autres. Ils étaient en quelque sorte la voix de l'URSS, pour reprendre une expression qui a fait florès chez nous, mais souvent c'était aussi des agents. Mais des espions, quoi. Naturellement. Alors, il n'est pas très difficile de décrypter cette affaire. En envoyant toutes les semaines le correspondant de TASS chez Brocane, Moscou entendait dire à Ceausescu « pas touche ». Oui, c'est important parce que ça veut dire que Gorbatchev protégeait quasi officiellement un opposant avéré au dictateur. Exactement. Mais allons plus loin encore. Ce Brocane, assigné à résidence, je vous le rappelle, va recevoir l'autorisation l'année suivante de voyager à l'étranger. Ouais. Il va sans doute aller voir ses protecteurs soviétiques. Pas seulement. Cet ancien ambassadeur qui connaît bien l'Occident se rend à Washington, puis à Londres. Et il n'y fait pas du tourisme. Non. Dans ces deux capitales, il rencontre des gens importants, proches du pouvoir. Et d'après ce qu'on a pu en savoir, il explique à chaque fois que la coupure est telle entre le peuple et le conducteur que la chute de celui-ci est inéluctable. Mais va-t-il jusqu'à demander qu'on l'aide à renverser Ceausescu? Non, il ne va pas aller jusque-là. Mais il laisse entendre qu'un peu de compréhension ne serait pas inutile. Bref, comme on dit aujourd'hui, il faudrait mettre la pression sur Ceausescu. Et c'est ce qui se passera, puisque le dictateur roumain sera mis en accusation par la Commission des droits de l'homme de l'ONU. A noter d'ailleurs que l'URSS ne s'opposera pas à cette mise en accusation et son représentant se contentera de s'abstenir. Et là, le message est clair. Hein. Et Brocane, lors de son voyage en Occident, ne cachera pas que Gorbatchev en personne soutient son action. Mmh. Gorbatchev qui a donc décidé d'en finir avec Ceausescu. C'est évident. Et c'est comme ça que, alors, dans les services de renseignements occidentaux, on apprend que Ceausescu est condamné à terme. Bien entendu. L'information circule très vite dans les chancelleries et les services secrets. Et je peux vous révéler que les services français ont déjà acquis la quasi-certitude que la fin de Ceausescu était programmée. Mais comment alors? Encore un peu de patience. Ah, oui. Reste à savoir comment on va se débrouiller pour éliminer le conducteur. En tout cas, dès la fin de l'hiver 88-89, Brocane, toujours lui, allume la mèche de la bombe. De quoi s'agit-il, là? Il est à peine revenu en Roumanie que, dans la presse occidentale, on fait état d'une mystérieuse lettre envoyée à Ceausescu par 6 vétérans du parti. Une lettre violemment critique. Brocane fait partie des signataires? Oui, il en est l'initiateur. Il prend un nouveau risque, là. C'est certain. Mais il est toujours protégé par Gorbatchev. Et sa tournée occidentale l'a conforté. Il sait qu'il est désormais pratiquement intouchable. Et comment réagit Nicolas Ceausescu? On a l'impression qu'il fait le gros dos. Plus vraisemblablement, il n'ignore pas qu'il est menacé. Les services de renseignement yougoslaves, particulièrement bien informés pour tout ce qui touche la Roumanie, ont alerté leurs homologues de Bucarest. Et qu'ont-ils dit alors? Ils prévoient une prochaine agitation en Roumanie. Des groupes turbulents, c'est ainsi qu'ils les ont nommés, serait déjà à l'œuvre et commencerait à rallier la population. Et peut-on dater cet avertissement plus précisément? Oui, il est effectué à l'automne 89. Ouais, donc Ceausescu devrait avoir de bonnes raisons de se méfier, se préparer au pire. C'est certain, mais le conducteur est persuadé qu'il tient encore fermement le parti et son bras armé, la redoutable Securitate. Et d'ailleurs, fin novembre, le conducteur, lors du congrès du parti, est réélu à l'unanimité secrétaire général et président de la République. Ouais. Fin novembre, donc très peu de jours avant sa chute. Et vous avez une explication, là? Ne soyez pas trop étonnés. Ces congrès sont des grands messes où tout est écrit à l'avance. Les délégués qui s'y expriment parlent même parfois en playback. Ce qui signifie, hein? Eh bien, leurs discours sont enregistrés à l'avance. Et à la tribune, ils ne font que mimer leur propre texte. C'est incroyable. En tout cas, aucune mauvaise surprise possible. Ah non, la cérémonie est bien verrouillée. Il n'y a pas de risque. Et pourtant, le processus qui va conduire à l'élimination de Ceausescu est déjà en marche. Là encore, ça va se passer de façon très bizarre. Mais un mot auparavant. Il faut tenir compte du fait qu'un peu partout en Europe de l'Est, des régimes communistes viennent de s'écrouler. Hey, par exemple, il y a la révolution de velours à Prague. Oui, et la plupart du temps, c'est Gorbatchev qui a poussé à la roue et qui a tenté de placer au pouvoir des réformateurs proches de lui. Il y a eu aussi la chute du mur de Berlin. Le 9 novembre 1989, oui. La conséquence, c'est que le dictateur roumain est de plus en plus isolé au sein de cette Europe autrefois muselée par le Kremlin. La Roumanie semble immobile, alors que tout bouge autour d'elle. La Hongrie, par exemple, a ouvert des brèches dans le rideau de fer. En Tchécoslovaquie, vous l'avez dit, la révolution de velours triomphe. Même la très fidèle Bulgarie s'agite et son leader, Jivkov, est ébranlé. C'est très important parce que les Roumains peuvent capter les télévisions des pays frères. Ils savent donc ce qui se passe autour d'eux. Alors, comme dans toute révolution, il faut une étincelle. Ouais, l'étincelle qui va déclencher la déflagration, puis la réaction en chaîne. Et tout commence dans une ville proche de la frontière hongroise. Ouais, bah, j'imagine que c'est Timișoara. Eh oui, dans la région, il existe une forte minorité hongroise, très remuante. Mais parce que ces Hongrois demandent leur rattachement à la mère patrie. Évidemment. Mais ce qui est assez extravagant, c'est que c'est un ecclésiastique qui va presque malgré lui tout déclencher. Qui est là ? Un pasteur protestant, Laszlo Tokes, qui entend symboliser cette revendication nationaliste et qui, victime de la Securitate, sera cette fameuse étincelle. Oui, mais vous avez dit malgré lui. Hein. Oui, parce que ce Tokes, j'en suis sûr, n'a fait que réciter une leçon qu'on lui avait demandé d'apprendre par cœur. Mais nous verrons cela la semaine prochaine. Une dernière citation avant de quitter provisoirement les événements de Roumanie. Je l'ai trouvé dans l'Histoire des Roumains, un ouvrage de Catherine Durandin paru en 1995 chez Fayard. Cette historienne décrypte subtilement les rapports entre Gorbatchev et Ceausescu. Et c'est la clé de cette affaire roumaine, je cite. Ceausescu se répète dans un monde qui change à l'ouest et à l'est. Les mutations de l'ère Gorbatchev lui échappent. Il demeure un stalinien, il ne doute pas. Et la faillite de son système est, selon lui, le fait des mauvaises volontés intérieures et d'un complot extérieur. La réflexion ouverte sur la réforme qui s'affirme depuis 1983 en Union soviétique n'a pas cours en Roumanie. Et pourtant, les réalités économiques imposent une dépendance accrue à l'égard de l'URSS. Dépendance qui débouche sur des remontrances des soviétiques à l'adresse d'une Roumanie qui ne répond pas aux attentes de son partenaire. La presse roumaine tait cette coopération significative de la dépendance roumaine. Comment annoncer à une population qui souffre de la pénurie alimentaire que des exportations importantes de produits agricoles sont dirigées vers l'Union soviétique? Comment expliquer à une opinion que l'on dresse à défier un Occident décadent que la technologie occidentale est trop onéreuse et que les marchés occidentaux sont trop exigeants pour absorber une production industrielle roumaine dont la qualité baisse faute d'investissements technologiques? Je vous rappelle les livres que vous trouverez bien sûr sur notre site franceinter.com. L'exécution de Ceausescu, la vérité sur une révolution en trompe-l'œil de Radu Portocala. La Roumanie 20 ans après, le chasseur de la Securitate de Michael Brann. La Roumanie post-1989 de Catherine Durandin et Zéo Petre. Et Communisme et totalitarisme, un petit livre de Stéphane Courtois. Et je vous rappelle bien sûr le nouveau tome des dossiers secrets de Monsieur X, Les grands espions du XXe siècle chez Nouveau Monde, édition coéditée par France Inter. Valérie Ayestara et Michel Billou, Rebecca de Nantes, Monsieur Djoub m'ont aidé à préparer cette émission. Et bientôt, un peu d'air, c'est au de mon amour de Denis Chessou.